Federico, donc qui va nous parler des situations révolutionnaires. Merci. Alors bonjour à tous. Je m'appelle Federico, je suis sociologue, je suis maître de conférence à Paris 7. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui m'intéresse particulièrement et que je trouve de très grande actualité aujourd'hui, avec une nuit debout, qui est la question des révolutions. Vous en avez déjà entendu parler par d'autres interventions d'historiens. Je voudrais aujourd'hui discuter un peu avec vous de ce que la sociologie peut dire des situations révolutionnaires. Et j'ai écrit un livre à ce propos qui s'appelle « L'énigme révolutionnaire », où j'aborde un peu ces questions-là. Et donc aujourd'hui, je voudrais qu'on discute un peu de ce que les citoyens considèrent comme des révolutions, de ce que dans l'université on considère comme des révolutions, et quand les révolutions commencent, quand est-ce qu'elles finissent, etc. Bon, alors pour aller très très vite, moi je pense qu'il y a dans les situations révolutionnaires, il y a deux canaux qui se produisent en parallèle. D'abord, qu'est-ce qu'une révolution? Parce que là, il y a un grand débat. Comment distinguer notamment des révolutions, des soulèvements populaires, des émeutes, etc. Il y a toute une indétermination des termes. Alors, moi, je considère, avec d'autres, qu'il y a une révolution à partir du moment où il y a un mouvement populaire de très grande envergure qui mobilise le peuple autour d'un souci de justice et d'un ensemble de revendications de droits, que ce mouvement populaire est canalisé dans les institutions et qu'il produit des changements dans les politiques de l'État et dans les institutions. Donc, si on aborde cette définition, qui est assez simple, vous le voyez, il y a dans toute révolution deux niveaux qui procèdent en parallèle. Il y a un niveau qui est celui des subjectivités, c'est-à-dire que quand il y a un mouvement révolutionnaire, eh bien les citoyens reviennent sur la place publique, on redécouvre la citoyenneté, on devient sujet politique, c'est-à-dire qu'on défend des droits, on défend un principe de justice, on se met à la place de l'autre, donc y compris, des classes moyennes ou la bourgeoisie peuvent porter des revendications des classes populaires, de ceux qui ne sont pas forcément présents physiquement dans la mobilisation. Donc on défend des droits, y compris pour les autres et à la place des autres. Et qu'il y a un canal qui est différent, qui est le canal des institutions. Donc quand les mobilisations populaires, ces révolutions des individus, donc des individus qui pensent que leur vie a changé à partir d'un moment donné, à partir d'un événement, comme ça a été le cas de mai 68, par exemple, où il y a des tas d'individus, fussent-ils militants ou pas, qui ont considéré que leur vie a radicalement changé après 68. Eh bien, quand ces mouvements populaires accèdent, disons, au pouvoir, que ce soit par la forme de partis, de syndicats, de mouvements, ou tout simplement parce que l'État prend en considération les revendications et change certaines politiques publiques, eh bien, il y a une révolution aussi institutionnelle. Donc, pour aller très vite, moi je considère que les révolutions commencent avec des mouvements populaires, se traduisent d'une manière ou d'une autre dans des révolutions du pouvoir, dans des révolutions institutionnelles, et c'est à ce niveau-là qu'elles peuvent effectivement échouer et terminer. C'est-à-dire qu'on peut clairement, quand on est sociologue, c'est-à-dire quand on travaille sur le temps présent, dire à partir de quel moment une révolution a échoué. Eh bien, elle a échoué quand, par exemple, au pouvoir, il y a une contre-révolution en cours, quand les élites prennent la place du peuple et arrêtent, en fait, de porter les revendications populaires au sein de l'État, et ainsi de suite. Donc, par exemple, si on prend les révolutions du temps présent, on peut clairement dire qu'en Égypte, la révolution institutionnellement est terminée, puisqu'il y a eu une contre-révolution du point de vue du pouvoir. On peut aussi dire que, par exemple, pour des révolutions que je connais un peu mieux, en Amérique latine, la révolution bolivarienne que j'ai étudiée de près depuis 10 ans est terminée à partir du moment où les classes populaires se désolidarisent du pouvoir et que le pouvoir entre dans un tournant plutôt autoritaire, plutôt réactionnaire aussi à certains points de vue. quelles que soient les raisons objectives de ce tournant, le fait de défendre la révolution des ennemis, de se protéger de voilà d'une censée invasion américaine qui devrait arriver à un moment donné et autres. Bon, je rentre pas dans le dans la liste des causes qui peuvent produire la fin d'une révolution d'un point de vue institutionnel. Or, ce qui est très important et ce qui a été très peu dit par les sciences sociales, c'est qu'en fait, y compris lorsque les révolutions échouent institutionnellement, elles continuent de se produire subjectivement. Et donc, le peuple n'arrête pas de se mobiliser. Le peuple n'arrête pas d'être mobilisé, y compris contre, justement, l'évidement de sens, contre la régression de la révolution ou l'élitisation de la révolution ou la corruption de la révolution dans les institutions. Et ça, c'est quelque chose qui reste à étudier, que j'ai essayé d'étudier pour le Venezuela, c'est-à-dire comment aborder cette dialectique entre des révolutions qui terminent par le haut et qui continuent par le bas. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors maintenant, avec cette construction-là dans la tête, comment aborder les révolutions du temps présent en Amérique et en Europe? Parce qu'on vit, en fait, malgré ce que disent les médias et les hommes politiques, on vit en permanence des révolutions en cours qui, faute justement de traduction institutionnelle, je ne parle pas de récupération, ici à Nuit Debout on parle de récupération tout le temps, mais on ne parle pas suffisamment de traduction ou de canalisation politique, bon, c'est un autre thème, et que peut-être on pourra discuter ensemble, je n'ai pas de position à arrêter là-dessus, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez aussi de cette question. Donc on vit en permanence des révolutions populaires, on est dans une société éruptive, au moins depuis 2011, Occupy Wall Street aux États-Unis, les indignés en Espagne, les mouvements populaires en Grèce depuis le début des années 2000, des révolutions citoyennes en Italie également dont on a très peu parlé, Nuit Debout maintenant, les printemps arabes, je ne sais pas comment dans les médias on peut continuer à dire que toutes ces révolutions relèvent de l'illusion, que de toute façon ce ne sont que des moments éphémères de soulèvements qui vont dégénérer une fois que la violence aura pris le pas et que institutionnellement une nouvelle élite prendra le relais de ces mouvements populaires très jolis et très beaux. Voilà, on a déjà une incapacité dans les médias et dans la communication politique de réellement mettre des mots sur ce qui se passe. Ce sont des révolutions en cours. Ce ne sont pas uniquement des manifestations populaires ou de la kermesse communiste ou des fêtes. Voilà, ce sont des moments de soulèvement réel. Alors maintenant, si on regarde donc de façon croisée l'Amérique latine et l'Europe, en Amérique latine, il y a eu des révolutions populaires dans les années 80. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans les années 80, dans à peu près tous les pays d'Amérique latine, il y a eu des mouvements populaires très importants, portés par les quartiers populaires exclus, par les barrios ou les favelas, pour le cas brésilien, des mouvements qui ont revendiqué notamment un accès aux ressources, une autogestion des ressources et des espaces communs, et un changement des politiques à la tête de l'État. Alors à l'époque, vous savez, l'Amérique latine était engluée dans le tournant néolibéral, hein. C'est-à-dire que dès que l'Amérique latine est passée à la démocratie, après l'hiver des autocraties et des dictatures des années 70, hein, Pinochet et autres, eh bien les gouvernants ont pris une certaine direction néolibérale, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à privatiser, à faire des tas de choses qu'on connaît très bien aussi en Europe aujourd'hui. Eh bien les mouvements populaires se sont produits contre ces politiques-là, et ce qu'ils ont revendiqué, c'était deux choses. La première, c'était l'accès au commun, c'est-à-dire la gestion en commun des ressources, l'eau en particulier, je pense au mouvement pour l'eau en Bolivie, la guerre de l'eau, la guerre du gaz après, toujours en Bolivie, en 2005. Je pense aux communautés autogérées en Colombie également, autour de l'eau. Je pense au mouvement des entreprises récupérées en Argentine avant et après la crise financière de 2001. Bon, il y a vraiment pléthore de mouvements de ce type-là qui récupèrent une certaine prise sur la gestion des ressources communes qui sont de plus en plus privatisées, aliénées au capital et gérées de façon néolibérale. Donc ça, on pourrait dire, ça a été très étudié par quelqu'un qui s'appelle Christian Laval et Pierre Dardot, on pourrait dire qu'il y a un paradigme nouveau qui est né en Amérique latine mais qui a eu pas mal de répercussions en Europe, qui est le paradigme des communs. C'est-à-dire à partir d'un certain nombre d'expériences locales dont des ressources et donc d'autogouvernement, on va générer des communs autour de l'eau, des communs autour du gaz, des communs autour de la terre, je pense au mouvement sans terre au Brésil, pour accéder à une sorte de commun au singulier, c'est-à-dire ce qui fait communauté entre plusieurs revendications. Et c'est l'idée de la convergence des luttes hein, qu'on a ici à Nuit Debout. Cette chose-là, ce paradigme des communs, on l'avait également en Europe. Il y a eu un mouvement, par exemple, des Beni Comuni en Italie, dans les années 70 et 80, qui a fait la même chose. Bon, qui a été beaucoup moins entendu, parce que aucun parti politique, aucune organisation n'en a pris le relais, comme ça a été le cas en Amérique latine, avec plusieurs partis du tournant à gauche, entre les années 90 et 2000. Hein, notamment qu'on a défini néopopulistes des partis de gauche en Amérique latine, Chavez, Morales, Correa et autres. Donc il y a ce paradigme des communs et du commun. Et il y a un deuxième paradigme qui ne dit pas exactement la même chose mais qui est potentiellement complémentaire, qui est le paradigme démocratique. On nous a dit depuis les années 80, que démocratie rime avec démocratie représentative et avec démocratie néolibérale, c'est-à-dire que la démocratie se réduit à la participation des citoyens par le vote et que, après, les élites gèrent la démocratie un peu à leur manière et que, au fond, ce que nous devons attendre de la démocratie, c'est tout simplement que les élites représentent nos intérêts. Il y a cette idée dans la démocratie néolibérale que la démocratie n'est rien d'autre qu'une relation de représentation d'intérêt. Je vote quelqu'un parce qu'il va me réduire les impôts, très bien. Voilà, s'il réduit les impôts, il a fait son job. S'il le fait pas, je le voterai pas. Hein. Donc il y a une équivalence entre la démocratie et l'offre électorale, entendue dans son sens marchand. Eh bien, à partir des années 90 et 2000, un ensemble de mouvements populaires ont justement critiqué cette réduction de la démocratie qui est très très prégnante aujourd'hui dans les sciences sociales. Hein. Quand vous regardez dans les sciences politiques, on considère les mêmes choses, offre électorale, relations d'intérêt. Bon. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, eh bien la démocratie on l'a fait par le bas. Comment? En prenant la parole, en s'écoutant réciproquement et donc en construisant des espaces publics où la loi et la pluralité, c'est-à-dire la pluralité des positions et la discussion publique, hein, c'est un peu l'idée d'Anna Arendt, et aussi en construisant des nouvelles modalités de l'être ensemble. Alors ça a été revendiqué dans les mouvements populaires en Amérique latine sous la forme de l'inclusion des classes populaires. On est exclu de la démocratie. La démocratie est gérée par des élites économiques, technocratiques, policières et politiques. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on revendique? Un droit, tout simplement, à participer. Un droit à faire part de la démocratie. Ça se traduit en quoi? Ça se traduit, effectivement, en un droit à la décision pris localement. Donc, il y avait, en quelque sorte, une revendication de participation démocratique dans ces mêmes mouvements qui se sont autogérés pour l'eau, pour les biens communs, pour le gaz, pour la gestion des territoires et des ressources à l'échelle locale. En Europe, tout comme le commun a percé avec, notamment en Italie, le mouvement des Beni Comuni, cette idée de la démocratie, d'une démocratie à reconstruire, plutôt d'une démocratie à radicaliser, l'idée de démocratiser la démocratie, eh bien, a eu un impact beaucoup plus important à certains égards que celui des biens communs. C'est-à-dire que, entre Occupy Wall Street, le mouvement des indignés et les mouvements populaires grecs au début de la décennie 2000, il y avait cette idée, au fond, la démocratie est aliénée au peuple, le peuple est exproprié de sa souveraineté, il est dépossédé de sa capacité de décision, eh bien, réunissons-nous sur des places, occupant les places et créant des nouvelles modalités de démocratie, évidemment, des démocraties radicales. Hein. Alors, le problème de ces mouvements, contrairement aux mouvements d'Amérique latine, c'est que, justement, il est très difficile de traduire ça politiquement. Comment vous traduisez ça politiquement? C'est-à-dire, imaginez qu'une organisation politique, un mouvement, se saisisse de mots d'ordre de restituer la démocratie aux citoyens, d'intensifier en quelque sorte la participation, de faciliter la prise de parole. Eh bien, ça se traduit en quoi? Ça se traduit en quelle idéologie? En quelle offre électorale? Eh bien, en Amérique latine, justement, l'intelligence, si on veut dire, des partis populistes a été celle de dire, eh bien, on traduit ça en politique de démocratie participative, en politique d'intégration sociale et en politique d'inclusion des classes populaires. Alors, ça, c'est un peu ce qu'on appelle le populisme. C'est-à-dire, le populisme, c'est une traduction de mouvements populaires revendiquant un élargissement de la démocratie et de la visibilité des êtres en politique publique. Donc, on va créer des dispositifs de participation dans les quartiers populaires, on va déléguer la décision sur les budgets comme on l'a fait au Brésil, et donc par là, on va intégrer les classes populaires qui sont exclues par la barrière spatiale, notamment la ségrégation spatiale qui est très forte en Amérique latine, comme commence à l'être aussi en Europe. On va traduire ça en politique publique. Je pense, et c'est là que je vais m'arrêter parce que je pense que j'ai déjà parlé suffisamment, je pense qu'aujourd'hui, le mouvement de Nuit Debout hésite en fait entre ces deux versions et ces deux paradigmes. Il y a d'un côté une attention effectivement aux communs, et donc le paradigme des communs, l'autogestion des ressources, le fait de sortir un tout petit peu du capitalisme marchand, de la toute-puissance de l'échange marchand, et il y a à la fois, et je pense bien plus, cette idée du principe démocratique, c'est-à-dire de la démocratisation de la démocratie, de la constitution de nouvelles modalités démocratiques. Alors, il faut être clair, et ça c'est quelque chose qui nous intéresse en sciences sociales, et je pense que ça intéresse aussi les acteurs du mouvement dont j'en suis, bien que j'assiste plus que je participe vraiment, je dois l'avouer. J'observe, j'aime bien observer, parce que c'est normal, c'est un peu un problème. Je pense que j'ai oublié ce que je voulais dire. La question centrale qui se pose, c'est un peu quelles sont les visions du projet politique qu'on a derrière ces deux paradigmes. Et c'est ça qu'il faudrait discuter, à mon avis, au sein d'un mouvement populaire comme ça. La vision qu'on a derrière le paradigme des communs, c'est une vision de lutte contre le capitalisme. Et ça, il faut être clair. C'est-à-dire que derrière l'autogestion des ressources communes, il y a quand même l'idée qu'aujourd'hui, la lutte de classe est évidemment toujours d'actualité. Alors, lutte de classe, ça veut dire non pas que les classes existent, ça, sur ça on est tous d'accord, mais que les classes ont conscience d'elles-mêmes et qu'elles agissent politiquement. Et donc, au fond, le prolétariat n'a plus de sens, c'est-à-dire que la lutte du prolétariat a été fondée sur le travail. Aujourd'hui, le travail, c'est une question un peu difficile. Et donc, la nouvelle lutte sociale, le nouveau sujet populaire et historique qui pourrait faire la lutte au capitalisme pendant le prochain siècle, va être le sujet des communs. C'est-à-dire, réapproprions-nous nos ressources, réapproprions-nous la poste, l'eau, l'électricité, tout ça. Et ça, c'est une partie, à mon avis, de ce mouvement. Mais il faut être clair sur le fait que du coup, le but est de lutter contre le capitalisme et à terme, de réduire de plus en plus les espaces de la propriété privée pour y mettre de la propriété commune. Bon, donc il faut démarchandiser nos capitalismes, y compris aller même d'une abolition du capitalisme. La deuxième possibilité, celle de la démocratie, est bien différente. Parce que là, du coup, on fait le raisonnement inverse. On parle plus de classe. Ici, il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe qui se manifeste. Il n'y a pas de collectif déjà constitué. Il y a des individus qui portent des droits et des droits à la prise de parole. Et à ce moment-là, le but n'est plus l'abolition de la propriété privée, n'est plus la lutte des classes et l'abolition du capital, mais c'est la régulation démocratique du capitalisme. Et ça, c'est une autre question. Parce que d'un côté, vous allez vers des partis de type... ce mouvement peut potentiellement être pris en charge par des organisations anticapitalistes à l'extrême gauche, et de l'autre, il faut inventer des organisations qui existent déjà, qui sont disponibles, et de l'autre, il y a des nouvelles organisations qu'il faut créer. Des organisations, là aussi, à la gauche de la gauche, mais qui défendent l'idée d'une social-démocratie radicale, à réinventer totalement, par-delà la réduction néolibérale à laquelle l'ont obligé les partis socialistes européens depuis 20-30 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Federico. Je suis Gabriel, je serai le modérateur de la discussion qui va suivre. Je rappelle juste les principes de la discussion, qui sont une discussion horizontale, donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Pour ça, vous me faites un signe. Et si on peut éviter les débats entre deux personnes, c'est mieux, au maximum, quand on peut laisser l'Assemblée répondre à sa place à une question, c'est vachement mieux. Madame, vous aviez une opposition radicale tout à l'heure sur la question de la mise en commun, de la réappropriation des communs. Vous voulez nous en parler ? Pas une opposition radicale, mais je souscris totalement sur ce que vous avez dit, sauf sur le premier paradigme où la population est totalement contre le capitalisme. Je ne pense pas, non. Ils veulent plutôt du capitalisme, mais solidaire et avec la notion humaine. Un capitalisme qui s'oppose au gigantisme, toujours plus. Toujours énorme, qui brasse énormément. Ils veulent un capitalisme, mais à l'échelle citoyenne, à l'échelle locale, oui, mais pas totalement. Ils veulent un capitalisme, ils veulent un échange plutôt, un capitalisme qui met un peu la notion de l'humain et qu'il intègre la notion. Au lieu de raisonner en termes de valeurs marchandes uniquement, valeurs fiduciaires, Il faut qu'il raisonne aussi en termes de valeurs morales, de valeurs utiles. Un papy, un grand-père qui accompagne ses enfants à l'école, c'est un travail. Ça n'a pas une valeur marchande, mais ça a une valeur utile. Et la valeur utile est beaucoup plus importante que la valeur marchande. C'est tout, mais les gens ne sont pas totalement opposés au capitalisme puisqu'ils veulent le reproduire à une échelle plus petite. C'est tout. Merci. Il y a d'autres interventions là-dessus ? Bonjour. C'est juste un petit point technique. Je fais partie d'une commission Action Pacifique et qui est juste à côté. Rien à voir, excuse-moi, on n'est pas l'AG. Non, mais c'est pas méchant. Non, mais attends. Je vais t'empêcher de parler parce que c'est pas le sujet. Bon, d'accord. Voilà. Je suis désolé, je rappelle juste que le sujet là, c'est penser les situations révolutionnaires et qu'on parle de ce que Federico vient de nous transmettre. Ça n'est pas une AG. Un groupe d'Action Pacifique qui a lieu juste à côté. Voilà, super. Pour les problèmes anti-casse, parce qu'il y a des problèmes, il y a des casseurs qui sont en train de foutre la merde, il n'y aura plus de... C'est donc ton point de vue. Donc on est là-bas pour ceux qui viennent, c'est tout, un petit point technique, c'est tout. Allez, bisous. Voilà, merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur le sujet qui vient d'être abordé ? Bah, justement, par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, le gros problème, enfin, le défi de toute cette organisation, c'est de trouver des personnes compétentes, dans le sens où on veut changer les choses. C'est bien de se dire on veut changer les choses, mais on a trop souvent tendance à juste parler et à ne pas savoir comment agir, à vouloir agir mais à mal le faire parce qu'on n'a pas les outils pour, dans le sens où on peut faire une société, on a des alternatives, on peut faire autrement, on n'est pas obligé de faire dans du néo-capitalisme, on peut faire en sorte, on peut construire une autre économie. Et il y a déjà des alternatives qui existent. Ce que ce mouvement devrait faire, c'est de faire en sorte de faire venir des personnes déjà qui vivent cette alternative. C'est-à-dire qu'il y a des groupuscules qui se créent, qui vivent en communauté, qui vivent en France même, mais d'une autre manière, où les ressources sont partagées d'une autre manière, où l'économie est organisée, où on voit que les gens arrivent à vivre. C'est possible. Et moi, je pense que le mouvement devrait aller chercher ces personnes-là aussi. Parce que c'est bien de rêver de quelque chose, c'est bien de vouloir un changement, mais ça ne sert à rien de vouloir tout ça si on n'a pas les outils, c'est-à-dire le savoir pour le faire. On peut réinventer les choses, mais on ne va pas tomber comme ça, hop, sur une idée. Ça n'existe pas, on va mettre beaucoup trop de temps. C'est-à-dire, le mouvement, pourquoi il n'avance pas plus ? Pourquoi il n'y a pas toute la France qui se lève pour manifester contre cette réforme ? Parce qu'il y a nos réalités. Il faut partir au travail. À la fin du mois, t'as ton loyer à payer. Tu dois t'occuper de tes enfants et tout ça. Donc on voit bien qu'on se heurte quand même à une réalité. À une réalité qui fait que, oui, on rêve, on a envie de changer, c'est possible, mais il y a une réalité qui s'impose à plus. plus de 90% de la population qui fait que même si on a des solutions, ça n'ira pas plus loin. C'est-à-dire le mouvement pour qu'il soit fort aujourd'hui, c'est que tout le monde s'y mette à sa manière. Dans le sens où, pourquoi par exemple on ne pourrait pas passer des journées et des jours à parler et justement à essayer de créer quelque chose. On a des contraintes. Les contraintes physiques, c'est quoi? Il faut qu'on mange. Il faut qu'à la fin du mois, toutes les personnes qui sont là puissent payer leur loyer. Il faut... Voilà, on a des responsabilités qui nous empêchent de le faire. Et pourtant, c'est possible de le faire. Et pour faire ce genre de choses, il faudrait aussi s'approprier des espaces comme... je vais aller... des supermarchés, aller encore plus loin... La production, c'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont envie de manifester et tout ça. Mais encore une fois, je me répète, et j'y, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de payer leur électricité, et ils ont des responsabilités. Et le problème, c'est quoi? C'est que pendant le temps qu'ils seront ici à parler avec nous ou à écouter, tout ça, ils vont pas pouvoir le faire. Donc, il faut plutôt trouver ou viser à trouver une solution qui fait que tout le monde puisse participer. Et qui fait que tout le monde puisse être mobilisé. C'est ça, en fait, qu'il faudrait viser. Non, mais, allô, Pascal. Donc, il va te répondre, hein, mais j'en profite pour poser aussi quelques questions. Concrètement, justement, tu parlais à un moment donné sur la façon dont les gens vont choisir, en quelque sorte, leur nouvelle émancipation, l'organisation de contestation. Je voudrais savoir, parce que tu as beaucoup parlé de l'Amérique latine... On a souvent dit que dans les pays arabes, il y avait des tyrans. Et on a vu avec les printemps arabes qu'il s'était produit quelque chose. Où finalement, je dirais, d'une façon assez surprenante, j'allais dire que les tyrans et les bourgeois n'ont pas tiré sur la foule avec les gens. Enfin, l'armée n'a pas joué le jeu, pratiquement. On a vu dans l'histoire du continent sud-américain, justement, des pays où l'armée a souvent été le dernier recours pour la bourgeoisie. On a assisté à des dictatures. Je voulais savoir comment toi, tu perçois, justement, ce qui se passe maintenant dans cette région du monde, comme les pays arabes. Et est-ce qu'il y a des parallèles à faire dans la façon dont les peuples se sont emparés de la chose, justement? Ou est-ce que c'est des choses assez, assez dissociables? Et puis, comment t'expliques, justement, que dans des pays où il y a des tyrans, on a quand même vu la rue se réapproprier des choses? Est-ce que ça veut dire que ça s'arrange? J'en sais rien, parce que, bon, je... Et est-ce que tu as un avis sur cette chose-là, ce qu'on peut mettre en parallèle, des fois? Merci. Je vais donner la parole à Federico. Et juste après, pour l'instant, il y a trois hommes et une femme qui ont parlé. Si des femmes ont envie de réfléchir à ce qu'elles veulent dire juste après, la parole en priorité. Alors, je vais réagir, en fait, par rapport à la question sur le capitalisme. Alors, moi, je suis un peu plus pessimiste que vous. C'est-à-dire que je pense que Lamarck avait raison. C'est-à-dire que le capitalisme, par définition, ne vise pas l'humain. Le capitalisme vise la productivité et l'élargissement du capital. Donc, le capitalisme à visage humain a existé. C'est la social-démocratie. Mais cette social-démocratie a eu des conditions d'existence qui aujourd'hui ne sont plus là. Donc soit on la récrée sur des bases nouvelles et radicales, soit on l'abandonne comme référent et on se met à lutter contre le capitalisme, non pas pour l'abolir, parce que il faut aussi penser à ce qui se passe si on l'abolit, et comment on l'abolit. Bon, voilà, l'alliance historique qui reste à examiner. Voilà. Donc je ne pense pas qu'on puisse amener le capitalisme à penser, par exemple, que le travail utile mais pas marchand puisse être intégré dans le système. Et là, on voit bien comment, par exemple, tout un tas de services à la personne qui relèvent de l'utile ont été marchandisés précisément dans la logique capitaliste. Pour la question que tu soulèves, qui est une question centrale. Moi, je ne pense pas que tout le monde doit manifester, tout le monde doit participer. Je ne le pense pas en tant que sociologue, je le voudrais bien en tant que citoyen, mais je ne pense pas que ce soit possible sociologiquement. Donc, en fait, la question qui se pose est, à partir de ceux qui manifestent, il faut dégager un langage qui puisse être prisé par ceux qui ne manifestent pas. Et de ce point de vue, tu dis, il faudrait prendre des savoirs, il faudrait s'inspirer des savoirs, des communautés autogérées également. Bon, et là, il faut être conscient du fait que ces communautés sont très localisées, sont très restreintes, et que, d'une certaine manière, elles ne visent pas à s'expatrier au-delà, justement, de l'autogestion de la communauté. Au moins dans les études qui ont été faites sur les expériences, justement, d'organisation locale, des ressources, etc., il y a des tas de savoirs. Mais là aussi, la question centrale pour moi, il y a une différence peut-être d'approche. Moi, je vise, en effet, je pense que le but est de construire un langage pour ceux qui ne manifestent pas. Et ton but, effectivement, c'est de construire quelque chose dans l'action en faisant en sorte que de plus en plus de gens agissent. Qu'est-ce que ça veut dire construire quelque chose par le langage? Ça veut dire faire ce qu'a fait Podemos en Espagne après les indignés. À partir de ce qui est sorti dans les manifestations des indignés, construire un langage qui fasse voter celui qui a voté traditionnellement pour le PS, l'UMP ou l'extrême droite pour un parti qui renouvelle la démocratie. Voilà. C'est ça le but. Parce que justement, ce dont on manque aujourd'hui, c'est d'un langage. D'un langage qui politise la souffrance, qui politise le mépris, qui politise l'expérience individuelle et qui en fasse justement un tremplin pour la revendication de droits. Bon, ça c'est ma position, hein. Bah, du coup, il y a une personne qui avait demandé un tour de parole juste avant et qui est la dame là, donc je vais le lui donner. Pardon. Dégage. Bon. Ce qui est frappant, c'est cette sorte de consensus tacite vis-à-vis du capitalisme et du marché. Je pense que le néolibéralisme repose sur des principes fondamentaux. Premier principe, c'est les rigueurs toujours plus grandes pour les pauvres et un État aux petits soins pour les puissances financières et celles qui s'occupent de la gestion. Il faut bien le voir. C'est un pouvoir absolument lié à ce que j'appellerais la pulsion de mort. Il avance et il nous mène au gouffre. Ce n'est pas négociable. Pourquoi? Je pense que la croissance de la prospérité, hein, la croissance, exige que toujours plus de gens, et ça c'est mondialisé, donc au niveau mondial, tombent dans une misère illimitée. Il n'y a pas de limite. Bon, cela entraîne également le pillage irréversible de la planète, la destruction des peuples premiers, le pillage des mines, l'accaparement des terres qui exclut les gens. Pourquoi il y a tellement de réfugiés ici? Parce qu'ils sont exclus de leurs terres. Voilà, par d'énormes puissances, comme ici, je dirais Bolloré, Bouygues, etc., qui sont cachés derrière des prétenants des sociétés écrans qui n'apparaissent jamais et qui sont soutenus par un pouvoir qui se dit toujours en guerre, qui a une puissance militaire extrêmement puissante, effectivement. Je reviendrai à l'origine de ce néolibéralisme. Les dogmes, ils reposent sur ce qu'a dit Margaret Thatcher. Elle a dit deux choses fondamentales. Premièrement, il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Et tous les partis, même le Parti socialiste, a accepté cela. Il a dit d'abord, on fait d'abord l'Europe libérale, le marché lié au numérique, et ensuite on fera l'Europe sociale. Ça fait depuis 30 ans qu'on l'attend. Et qu'est-ce qu'on voit en réalité avec la loi du travail? Toujours plus de négation, d'humiliation, de réduction à la survie du peuple. Et c'est des parts de peuple de plus en plus grandes qui incluent la classe moyenne maintenant. Hein, voilà. La deuxième chose qu'elle a dite, elle a dit « There is no such thing as society ». La société, ça n'existe pas. Eh bien, si, la société existe. Et deuxièmement, eh bien, il y a des alternatives. Ça, c'est ce que je voulais dire. Bon, je vais pas monopoliser la parole, parce que je pourrais parler des heures. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alors, je vais intervenir. Merci. en tant que nomade, en fait. Alors, nomade a plusieurs facettes. Alors, en fait, vous avez parlé du langage, et ça, c'est vraiment le mot-clé, en fait. Dans un monde où, d'abord, on a écrit « liberté, égalité, fraternité », et où l'avenue, les Champs-Élysées sont envahies de Louis Vuitton, de Marc et de Bordel, basées sur la manipulation des masses par la marque. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut tout mettre au même niveau. Spiritualité, qui n'inclut pas la religion, mais qui ne l'exclut pas, on va dire. Nomadisme, qui est la clé absolue de la solution intérieure avec soi-même. C'est ce que je vis depuis mon plus jeune âge, j'ai 63 ans. Je suis dans la rue depuis que j'en ai 15, dans la rue comme je l'ai décidé. Immigré, né au Maroc, juif arabe, français, superbe, j'adore la culture française. Et donc, j'ai erré de pauvreté en luxure et en luxe. Mais j'ai choisi moi-même, avec l'aide de ma foi intérieure et extérieure, et tous les codes donc, dont vous avez parlé, d'emprunter aux gens qui vivent d'une manière libre ou avec leur propre... Par exemple, je viens de trouver deux bouquins par hasard que j'ai acheté à une dame au prix où elle les voulait. Et c'est extraordinaire parce qu'avant de vous rencontrer, je venais d'ouvrir à ce bouquin que je pouvais trouver cliché qui parle de l'âge d'or. Et je l'ai ouvert à Capitalisme, là, au bout de la rue. Avant, franchement, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il faut tout que chacun, tout un chacun, nous-mêmes, on échange tous ensemble pour converser, comme vous l'avez dit, d'une manière très profonde. Et je vais vous donner l'exemple de la force de l'invisible que tous ces grands groupes, chère madame dont vous parlez, la Maggie Thatcher, Grosse Beach, superbe, et la reine d'Angleterre avec, d'accord. Et je vous dis, par exemple, mon appartement a été photographié il y a 8 ans à Paris, dans Marie-Claire, blabla, parce que j'étais un artiste qui faisait ce qu'il voulait. Et j'avais la photo de la reine d'Angleterre avec écrit « Beach » en gros. Ça a été imprimé, j'ai le magazine. Donc j'ai appris, avec la force des maîtres, des prophètes que nous avons tous aimés et qui nous ont bercés, on va dire Jésus, on va dire Mahomet, on va dire Bouddha, on va dire Moïse. Voilà. Mais en fait, c'est cette notion à l'intérieur de nous-mêmes que je pense que tout un chacun doit trouver en lui. Et en observant dans les moindres détails, en France, parce que la France est la capitale des images, on a beau dire Londres, c'est génial, Paris est la capitale des images, des symboles. J'ai rencontré à Paris, grâce à un chien, au Bois de Boulogne, je faisais des pompes, Jacques Attali. J'ai été reçu en audience grâce à ce chien et je l'ai eu devant moi. Parce qu'on m'avait dit, vous savez, je suis sa biographe et alors j'adorerais, vous êtes fascinant, blablabla, j'adorerais, il voudrait être comme vous. Alors elle me dit, il voudrait être comme vous. Et alors, j'ai dit, ben ça, il peut pas. Mais j'ai dit, je veux bien le rencontrer parce que j'ai eu un incendie dans mes périodes héroïques. Parce que chacun de vous, vous devrez comprendre que vous êtes des héros. Puisque tout le monde va au cinéma payer Action Joe, Action Man, X-Men. You know, everybody, tout le monde a ça en lui. C'est ça. Voilà. Donc, je parle de l'héroïsme en chacun de nous. Merci. Il y a quelqu'un qui est là pour annoncer qu'une action logement va partir depuis juste devant l'escalier, là, tout de suite. Tu veux en dire deux mots ? Bonjour tout le monde. Donc, je fais juste une petite parenthèse parce qu'on a annoncé une action aujourd'hui à 14h. On est un peu en retard parce que là, la cible d'aujourd'hui, c'est sur la question des loyers trop chers. Donc, comme on est nombreux à être concernés, voilà, peut-être comme on est un peu en retard, beaucoup se sont mis là en attendant, mais voilà, on va partir. Donc, c'est une action sur les loyers trop chers. Je vous en dis pas plus parce qu'on a ciblé un endroit, on se retrouve tous et j'espère que ça va marcher. Merci. Le monsieur là m'a demandé la parole. J'en profite juste pour dire que c'est le cinquième homme qui s'exprime et qu'il n'y a eu que deux femmes qui se sont exprimées. Bonjour. Je vous propose une action qui est très facile à mettre en place. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour qu'une élection soit valide, il faut qu'il n'y ait pas plus de 75% d'abstention. Ce qui veut dire qu'il faut 25% de bulletins exprimés. Pardon ? Ouais, là ? Ça va ? Ok, je répète. Donc, il faut pour qu'une élection soit valide, quelle qu'elle soit, présidentielle, disons, il faut qu'il y ait au moins 25% de bulletins exprimés. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 75% d'abstention. Eh ben, je vous propose de réfléchir au comment vous allez arriver à faire qu'on arrive à 75%. Ça ne changera rien, parce que tout de suite après, comme la nature a horreur du vide, on refera une élection, mais pour la première fois, l'élection sera invalidée. Voilà. Donc je vous propose juste de propager partout l'abstention totale. Merci. Abstentionniste convaincu, j'ai juste envie de donner raison au monsieur qui vient de parler. Sauf que quand on ne s'exprime pas ou quand on dit non, l'Europe décide à notre place. J'ai en tête l'exemple du traité constitutionnel pour l'Europe en 2005 qui a été voté par nos parlementaires en 2007. Donc si on arrête de s'exprimer, je pense qu'ils juste ils décideront à nos places sur tous les sujets. Bref. Et pour en revenir à ce que le jeune homme disait là-bas, il y a évidemment en France des gens qui ont décidé de vivre autrement, qui y arrivent, mais qui n'arrivent pas à sortir totalement du capitalisme. Je pense que pour en sortir complètement, c'est pas possible. C'est un système total. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre en dehors du capitalisme, malgré tout ce qu'on peut faire comme initiative et comme alternative. Voilà, c'est pas possible d'en sortir. Le capitalisme à visage humain, ça n'existe pas. Soyons clairs là-dessus. Après, je pense que vous, c'était focalisé sur un premier combat qui était contre la loi El Khomri. À partir de là, François Ruffin le disait, il faut que ce soit notre première victoire, et je pense qu'il faut qu'on ait toujours ça en tête tous les jours, à chaque fois qu'on vienne. On est ici pour se battre contre la loi El Khomri et son monde. Son monde, ça signifie quoi? Ça signifie l'Union européenne derrière. Je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face. Aujourd'hui, il n'y a aucun parti, à part le parti du Front National, ce qui est déplorable, qui traite vraiment la question de la sortie de l'Union européenne. Jean-Luc Mélenchon, il va tout doucement. Il y va trop doucement. Ça fait des années qu'on aurait dû sortir de l'Union européenne. Et c'est ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Enfin, le capitalisme, ça ne nous arrive pas comme ça, miraculeusement. L'Union européenne le met en place. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais juste dire quand même qu'il y a aussi Jacques Cheminade à l'UPR qui en parle. Voilà. Le Front National a été présenté comme le seul parti contre l'Europe. Et moi, j'ai regardé leur programme, j'ai été fouinée et j'ai vu, mais il n'y a rien. Ils sont pour l'Europe. Ils ont des députés européens. Donc, il faut sortir un peu de ce... Ce que vous dites... Merci. Voilà. Je crois qu'il y a une nouvelle intervention qui veut se faire ici au micro. Alors, c'est pas trop dans mon habitude de prendre la parole parce qu'apparemment, à Nuit debout, on n'accepte pas non plus que tout le monde parle. Ce qui est, à mon avis, un problème si on veut qu'il y ait beaucoup plus de nombre. Moi, je représente le mouvement du 14 juillet parce qu'on a fait un mouvement... populaire afin de destituer le pouvoir actuel. Je rejoins évidemment le problème de la BCE, de l'OTAN et de l'euro actuellement. C'est un véritable problème parce que c'est eux qui contrôlent tout. Et repartir sur le sujet des symboles, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je décroche des drapeaux européens qui est le symbole, à mon avis, de la dictature actuelle. Je pense qu'on oublie aussi la Suisse, qui a une constitution démocratique et qui fait beaucoup. Je pense qu'on peut aussi voir ce qui se passe à travers eux, même s'il n'est pas évident, à mon avis, de travailler en démocratie dans une société, parce qu'on est beaucoup trop nombreux. Et évidemment, ça passe par un système communautaire ou d'autogestion. Ils y arrivent très bien. Maintenant, la question, c'est pourquoi on est là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut réquisitionner beaucoup plus que la place de la République? Est-ce qu'on veut avoir un pied à l'Assemblée nationale? Parce que c'est la maison du peuple. On oublie aussi beaucoup que les Français ont moins peur de l'échec et beaucoup plus peur de la réussite. Et comme apparemment on est capable de faire des miracles et de faire... beaucoup mieux que ce qui est actuellement. On a déjà tout perdu, donc je pense que maintenant, de se mettre dans un statut de désobéissance civile est, à mon avis, une nécessité. Et et arrêter d'avoir peur parce que de toute manière on n'a plus rien à perdre. Une démocratie dans un système républicain, je pense que c'est difficile. Maintenant, il appartient qu'à vous de vous soulever face à la dictature, mais il faut accepter tout le monde. Il faut écouter tout le monde. Et à mon avis, le problème d'Ennui Debout, c'est ça. C'est qu'il y a une division qui se fait grâce aux médias ou à cause des médias. Et je pense qu'il faut reprendre les mains et reprendre les rênes en fait, de ce qui se passe. Et il ne faut pas attendre des autres. La division entre chaque personne, entre chaque humain, en fait. On est complètement dans des classes sociales, soit c'est la droite, soit c'est la gauche, soit c'est les pauvres, soit c'est les riches. Et ça, ça appartient vachement à Paris, parce que moi, je viens de la province, je viens de Bordeaux. Et en région, ça bouge énormément. Sauf qu'à Paris, il y a énormément de police. Et je pense qu'il faut réellement dire non quand on a fait un référendum, quand on a dit non une fois et qu'on est bafoué dans nos droits. Je pense qu'il est actuellement de dire non, de dire stop à la guerre. Et ça passe par des actions passives ou des actions actives. Actions actives, hein, toute action est nécessaire. Et je vous souhaite bon courage parce qu'on a beaucoup besoin. Et j'espère qu'on arrivera à la victoire. Merci. Bon, bah, du coup, tu as vu que tu avais pu t'exprimer là. Et je voulais juste dire sur le contexte de sur ton intervention sur la désobéissance civile qu'une toute petite chose qui se passe avec l'éducation populaire ici, c'est que la déclaration d'occupation de la place n'est validée par la préfecture qu'à partir de 18h et que nous, on y est à partir de 13h. Donc, en venant tous les jours à partir de 13h, vous savez que vous participez un tout petit peu à un début de désobéissance face à la préfecture de police de la ville de Paris. Voilà. Merci. Alors, je suis citoyen belge et je vis pour vous. Voilà. Alors, ce que je constate, que personne, j'ai entendu dire, personne, et je suis obligé de le dire moi-même. Voilà. Quand je pense que le PDG de chez Renault et de chez Peugeot gagne 14 000 euros par mois, par jour, et que les ouvriers ont eu une prime de 2000 euros. Ça, je comprends rien du tout chez vous. Alors, expliquez-moi tous ensemble pourquoi vous n'avez pas dit un mot là-dessus. J'entends personne. Bon, alors je regrette. Moi, je suis ancien fonctionnaire. Je suis professeur de maths en sciences et chimie. Et je constate que quand je vois la guerre qui se passe dans tous les territoires du monde entier, j'ai appris que 1 million d'euros, je sais plus trop quoi là, qui partent pour les essais nucléaires, pour les bombes atomiques, tout ça et tout, et que nous, en France ou en Europe, on crève tous la dalle. Est-ce que j'ai raison ou tort? Et moi, je dis toujours, il faut mieux mourir quand tu vis que de mourir quand tu es mort. Et n'oubliez pas, je m'appelle Robert Lefou, je fais le tour du monde pour la paix. Et je suis sur Facebook. Merci Robert Lefou. Oui, excusez-moi, moi j'ai pas l'habitude d'intervenir dans les trucs politiques ou militer ou quoi que ce soit. Mais je voulais juste savoir, en fait, ce mouvement-là, avec la violence des médias qui attaque clairement le mouvement Nuit Debout en disant que c'est un mouvement qui n'a aucune influence, qui sert à rien ou qui apporte de la violence. Avec la violence de la police contre les manifestants, est-ce qu'il ne resterait pas quelque part, hein, c'est pas ce que je défends, mais est-ce qu'il ne resterait pas quelque part une forme de violence à exprimer vis-à-vis de ces gens qui sont au pouvoir, qui utilisent ce qu'ils ont comme arme, donc la police qui est dressée contre la population? On est bien plus nombreux qu'eux. Quand ils arrivent à 40 contre 100, on a quelque chose à faire. Je rejoins la dame quand elle dit qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut avoir du courage. Venir débattre, c'est un courage. J'ai entendu qu'il y avait l'ERG, des choses comme ça, un peu des... Vous savez, toutes les rumeurs qui tournent dans la presse, il y a de l'information et de la désinformation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer de plus radical que discuter sur la place de la République, ce qui est une chose très bien. J'adore ce qui se passe là. J'ai l'impression de vivre quelque chose d'unique. Dans, peut-être que je ne vivrai jamais plus. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est jusqu'où on peut aller. Jusqu'où la société peut accepter la violence. Et continuer à se dire non, je ne réagis pas avec violence parce qu'on a évolué, parce qu'on est des gens évolués, une société évoluée. Est-ce que l'évolution, c'est vraiment se laisser faire comme ça? Voilà. C'est la question que je vous pose aussi, monsieur, vous êtes sociologue. Alors là-dessus, moi, je voudrais juste réagir et me faire le porte-parole de choses qui se sont dites en assemblée. Ici, la commission éducation populaire, on n'est qu'une pierre au grand édifice de Nuit Debout. Et il y a des tas d'autres commissions, notamment des commissions actions et parfois des actions radicales qui ont lieu dans ces commissions actions. Sur la question de la violence, il y a plusieurs personnes, notamment dans des commissions de personnes féministes, notamment dans des commissions de personnes racisées, notamment dans des tas de commissions qui sont venues en AG proclamer le fait que c'est pas Nuit Debout qui crée de la violence, c'est Nuit Debout qui permet à cette violence de s'exprimer parce qu'elle est contenue en beaucoup d'individus depuis longtemps. Voilà. Et l'AG de Nuit Debout s'est au moins mis d'accord sur le fait que toute violence pouvait s'exprimer et que le fait, je vais finir juste parce qu'il y a un twist à la fin, mais le fait que la violence s'exprime était légitime. Maintenant, la seule chose que l'organisation de Nuit Debout a dit, c'est qu'elle soutenait toute action émanant de la Nuit Debout, si ce n'est celle qui porte atteinte à l'intégrité physique des personnes. Donc il s'agit d'actions violentes contre des biens matériels, pas encore contre des personnes. Voilà. Pas contre des personnes, excusez-moi. Oui, bonjour à tous. Depuis un certain nombre d'années, on présente l'échec du socialisme au niveau économique, pour ne pas dire politique, et la victoire du capitalisme. En fait, c'est aussi un échec du capitalisme, seulement il le masque. Comment il le masque? Nous avons des sociétés, des multinationales, des actionnaires, et chaque année, ces actionnaires attendent des dividendes qui sont chaque année de plus en plus importants. Et ces dividendes ne servent pas les pays, même développés, puisqu'ils sont exportés à l'autre bout du monde. Résultat, c'est que chaque pays, même développé, s'appauvrit chaque année. Et c'est ça le drame, voyez-vous. Quand on parle, par exemple, de cette réunion, des réunions qui se font, on échange et tout, c'est bien. Quand on parle de la police, elle a une fonction, je ne la défends pas. Mais le policier, en règle générale, c'est du vécu. Il frapperait un peu moins fort sur Jacques et plus fort sur Mohamed, d'accord? Ok. Combien de bavures se sont passées en banlieue? Et dites-moi s'il y a eu une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, l'agresseur, soit un policier, hein, et a été jugé ou quelque chose comme ça. Quand je dis ça, je ne fais pas d'amalgame. Dans la police, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui réfléchissent, qui ont une vision, disons, réelle de leur fonction. Ils représentent un État, ils sont là pour assumer l'ordre dans une intelligence et une compréhension des choses. Je ne me fais pas. Seulement à l'intérieur de la police, il y a quelques têtes brûlées qui peut-être même, ils ont choisi la fonction de policier pour frapper de plus en plus fort. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. L'heure de débat là, commence à toucher à sa fin. Donc je proposerai bien à Federico de conclure, si ça vous va, et qu'on passe au sujet suivant. Vous voulez parler vraiment? Je pense tout de même qu'il s'agisse des biens ou des personnes, on se situe dans un contexte culturel, politique, celui de la France. Et les mots ici ont un sens qui n'est pas toujours celui qu'on peut entendre sur cette place. Le mot populisme en France est très négativement connoté depuis des décennies. Les populistes, ce sont ceux qui disent au peuple ce qu'il veut entendre pour les faire voter, pour les soumettre. Et souvent en France, les réfractaires, les révolutionnaires n'étaient pas des populistes. Donc il y a une vraie réflexion sur ce sujet. Et quand on pense aujourd'hui à ce qui reste de la commune de Paris, énormément de cadavres sous la terre, mais des artistes et des femmes comme Louise Michel, qui n'était pas précisément des gens qui disaient au peuple ce qu'il avait envie d'entendre. Et je crois que Rosa Luxembourg a dit, j'aime le peuple, c'est pas vivre avec lui. Donc attention au populisme. Quant à la violence, c'est pareil. Les bonnets rouges ont été un mouvement violent contre les choses, contre les biens. Mais les bonnets rouges sont pas précisément proches de l'extrême gauche. L'Institut Locarn, qui est derrière les bonnets rouges, est bien plutôt de l'autre côté. Et d'ailleurs manipulé ou dirigé par des gens qui ont le pouvoir économique en France. Donc ils ont détruit très rapidement les portiques et obtenu très rapidement ce qu'ils voulaient. Donc est-ce qu'il n'y a pas des alternatives? D'ailleurs, même le Front National a commencé par se distinguer en faisant le coup de poing. Hein. On disait Le Pen, il a fait le coup de poing. Donc attention, peut-être qu'il y a des alternatives au coup de poing. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. J'en profite juste pour faire tourner une petite boîte qui est une boîte à dons. Par souci de transparence, je vous dis à quoi ça sert. Ça sert à faire les photocopies des papiers qu'on distribue tous les jours avec la charte de fonctionnement et le programme du jour. Ça sert à acheter du gaffeur, ça sert à acheter une sono, ça sert à acheter tout ça. Nous sommes tous bénévoles quand on intervient dans le cadre de l'éducation populaire Nuit Debout. Je fais passer ça, faites attention à pas la laisser partir en courant et rendez-la moi quand elle a fini de tourner. Federico, tu conclus ? Voilà. Juste un mot sur le populisme sur lequel je travaille depuis 10 ans. Donc je sais très bien qu'il est connoté négativement en France et ça fait problème parce que le populisme est un mot noble. Ça a été inventé par les Russes en 1840 pour définir un mouvement d'intellectuels qui souhaitait aller vers le peuple pour porter des revendications populaires au sein de la politique et pour chasser le tsar. Bon, le populisme est connoté négativement parce qu'il y a eu toute une entreprise médiatique de stigmatisation derrière le populisme de la gauche et du populaire. Donc, en fait, il faut aujourd'hui repenser peuple, populaire et populisme pour donner à la gauche une alternative qui ne soit pas l'alternative que nous voyons maintenant. Et puis, pour dire un mot sur la violence, peut-être, L'État exerce, comme on aime à le répéter aux étudiants sociaux, le monopole de la violence légitime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le monopole de la violence légitime? Ça veut dire monopole, c'est-à-dire que c'est le seul autorisé à l'exercer, et légitime. Ça veut bien dire que dans des situations de délégitimation de l'État et de ce qu'il représente, il peut y avoir un exercice légitime de la violence, qui aujourd'hui passe par la désobéissance civile. Je n'en dirai pas plus. Parce que dans des situations de légitimation de la violence, évidemment, l'État exerce une répression. L'État est toujours mieux armé pour réprimer que ceux qui exercent la violence. Donc là, ce sont des choix qui n'appartiennent pas ni aux sociologues ni à l'individu quelconque de faire. Ce sont les acteurs qui les font. Et je rappelle que pendant la Révolution française, ça a été étudié. Là, le passage à l'exercice de la violence a été le fruit, là aussi, d'une revendication collective et démocratique, prise démocratiquement par le peuple, pour s'opposer, là aussi, à la répression du Champ de Mars. Donc, quand on parle de violence, aujourd'hui, il faudrait peut-être, avant même de dire est-ce qu'il est opportun aujourd'hui, sous quelle forme, etc., faire un petit tour sur le passé pour voir un peu comment la violence a été exercée, et puis, là aussi, avoir une pensée de la violence, une pensée de la violence, là où elle doit arriver, quel est le but de la violence, comment elle doit s'exprimer, sous quel temps elle doit s'exprimer. Bon, et là aussi, c'est quelque chose qui se réfléchit collectivement, quoi. Merci.